cette force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous prions, il est au-dessus de tout pouvoir, de toute puissance. N'aie pas peur de celui qui vient faire des fétiches devant ta porte, devant ton bureau. Invoque le nom de Jésus. La Bible déclare que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Nous allons lire Juges, chapitre 20, verset 1. À 18. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre texte du jour, c'est Juges chapitre 20, 1 à 18. Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays des Galades. Et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, 400 000 hommes de pied tirant l'épée. Et les filles de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent, « Parlez, comment ce crime a-t-il été commis ?» Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, « J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine, je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyé dans tout le territoire de l'héritage d'Israël. Car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël, 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000, ils iront chercher des vivres pour le peuple, afin qu'à leur retour, on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire « Qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous ? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du millier d'Israël. » Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Les dénombrements que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tous ces peuples, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde visée à un cheveu, sans le manquer. On fit aussi les dénombrements des hommes d'Israël, non compris ceux des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin. Et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, « Qui de nous montera le premier pour combattre les filles de Benjamin ?» L'Éternel répondit, « Judas montera le premier. » Amen. Nous allons partager quatre vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Nous ne devons pas tolérer les crimes dans notre société. Et nous devons apprendre à dire la vérité afin d'établir leur responsabilité. Quand nous voyons la violence commettre, il y a des crimes, il y a des enlèvements, il y a des meurtres, des viols. Nous ne devrons pas tolérer, surtout en tant que chrétiens, en tant qu'église. Nous devions chercher à établir des responsabilités afin que les concernés soient châtiés, soient punis. Regardez ce qui s'est passé. Nous avons vu hier l'histoire de cette jeune dame qui était la concubine du Lévite. La manière dont elle fut violée par les gens pervers de Gibéa. Et comment elle a fini sa vie, elle a été découpée. C'était une infamie. En fait, l'infamie, c'était surtout le viol qui a été commis en son endroit. Elle est morte de viol. Et nous voyons ici que les enfants d'Israël, toutes les tribus, lorsqu'ils furent informés, ils étaient insidués, ils étaient sidérés d'entendre, de voir un tel acte se commettre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui passent sous silence des actes de violence, des actes de meurtre, des actes de viol. Ce n'est pas normal. Et vous voyez, il est dit, tous les enfants d'Israël, verset 1, sortis depuis Dan jusqu'à Beersheba et au Gal et au pays de Galad, et l'assemblée s'est réunie comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Il est dit au verset 3, « Et les filles de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent, « Parlez, comment ce crime a-t-il été commis ?» Donc, ils voulaient chercher la vérité. On ne peut pas passer sous silence dans nos nations, dans nos villages, dans nos villes. Nous ne pouvons pas passer sous silence des crimes, car l'Éternel n'approuve pas les crimes. Nous devons chercher à rétablir la vérité, vous voyez. Et nous voyons ici le mari, les Lévites, il a rétabli toute la vérité. Il a raconté comment les choses se sont passées. Nous devons dire la vérité. C'est pourquoi dans plusieurs nations aujourd'hui, il y a des gens, lorsqu'il y a eu beaucoup de problèmes de violence, ils établissent ce qu'on appelle des commissions, des vérités, des réconciliations. Sans la vérité, on ne peut pas parler d'une véritable réparation, d'une véritable réconciliation. Vous voyez ici, ce jeune Lévite a dit la vérité. Comment cette concubine, cette dame a été tuée? Il a dit la vérité et il a dit au peuple, à vous de prendre une décision. Donc, chacun doit jouer sa partition. Si tu as été témoin, tu dois dire la vérité à ceux qui sont peut-être des autorités, des personnes habilitées, de prendre la décision qu'il faut à partir de la vérité, établir les responsabilités. Vous voyez, il est dit ici, au verset 6, « J'ai saisi ma concubine, je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyée dans tous les territoires de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. » Donc, il n'a même pas caché. Il dit, « Moi, je l'ai découpé. » Mais je l'ai fait parce que les gens ont commis une infamie, c'est-à-dire ils l'ont violée. Et au verset 7, il dit, « Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. » Deuxième vérité, nous devons être unis. Nous voyons que l'unité d'un peuple est importante pour faire de grandes choses, pour relever de grands défis. Lorsqu'on est unis, on est capable d'accomplir de grandes choses. Les grandes décisions qui sont concertées. Lorsqu'un peuple est uni, ils peuvent relever de grands défis. Ils peuvent faire face à n'importe quel défi qui se pose. Vous voyez? Ici, il y a souvent cette phrase qui revient. Comme un seul homme. L'important de l'unité. Même dans une famille. Comme quand on agit d'une seule voix, d'une même voix. On est unis de cœur. On peut faire face à plusieurs problèmes. Vous voyez? Il est dit au verset 8, « Tout le peuple s'éleva comme un seul homme en disant, « Nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. » Donc, il ne s'agit pas d'une décision de quelques personnes. On dit « comme un seul homme », l'important de l'unité. Et vous voyez, c'est le « nous » qui est conjugué ici. Verset 9, « Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. » C'est-à-dire, le peuple s'est concerté, uni comme un seul homme. Lorsqu'un peuple est uni, il peut accomplir de grandes choses. Troisième vérité, le manque de justice peut être à la base des guerres civiles et plusieurs problèmes que nous rencontrons dans notre société. Les habitants de Gibéa, les filles de Benjamin, lorsqu'on leur a demandé de livrer les hommes pervers, les gens pervers qui ont commis cet acte, ils ont refusé. Ça, ce n'est pas bon. Ils ont cherché à couvrir le mal. Le verset 12 dit, Les tribus d'Israël envoyaient des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire « Qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous ? Livrez maintenant les gens perverses qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Au contraire, ils sont venus pour leur faire la guerre. Le manque de justice, même dans une famille, nous devons être justes. Nous devons faire en sorte que ceux qui ont commis des crimes soient punis. Nous ne devons pas tolérer, même aujourd'hui dans l'église, il y a des bavures qui se font, on cherche à les couvrir. Non, ce n'est pas bon. Cela n'arrange pas l'Éternel. Dieu n'est pas content. Vous voyez? La démarche des enfants d'Israël était de chercher à ôter le mal du milieu d'Israël. Et c'est pourquoi ils sont partis demander à leurs frères les Benjamites de livrer ces jeunes perverses qui ont commis cet acte infâme. Mais ces derniers, ils ont refusé. C'est pourquoi nous allons voir, ce qui va s'ensuivre, c'est quoi? C'est la guerre. Or, cette guerre pouvait être évitée. Quatrième vérité, nous devons toujours consulter l'Éternel dans tout ce que nous voulons faire. Nous voyons ici les enfants d'Israël. C'est vrai, ils étaient unis comme un seul homme pour aller faire la guerre aux Benjamites au cas où ces derniers ne livraient pas les hommes perverses. Mais ils ont consulté d'abord l'Éternel. Vous voyez, il est dit ici au verset 18. « Et les enfants d'Israël s'élevèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant « Qui de nous montera le premier pour combattre les filles de Benjamin ?» L'Éternel répondit, « Judas montera le premier. » Vous voyez, malgré qu'ils avaient une grande armée, mais ils ne se sont pas confiés au nombre ou à la capacité ou aux compétences de leur armée. Mais ils ont d'abord consulté l'Éternel. Je veux parler à quelqu'un. Malgré tes capacités, malgré tes connaissances, ne te confie pas en toi-même ni à tes compétences, mais consulte l'Éternel avant de prendre de grandes décisions. Invoque le nom de Dieu pour qu'il te donne la direction, la conduite à tenir. Ça nous montre que nous dépendons de Dieu parce que la victoire lui appartient dans tout ce que nous faisons. Nous allons le louer, nous allons chanter ses cantiques pour sa gloire. Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zambi, Zamb Gloire à Dieu, il est notre Dieu, il est le Dieu qui nous dirige, il est le Dieu qui nous conduit, il s'appelle El Shaddai, il est le Dieu des lumières, il mérite la louange, élevons ensemble nos voix, bénissons son saint nom. Nous t'élevons et nous te bénissons, éternel notre Dieu, toi le Dieu qui nous conduit quand nous nous confions à toi. Oui, tu es celui qui ne nous déçoit pas, tu ne nous abandonnes jamais. Nous t'élevons et nous te bénissons pour cela. Merci, ô Dieu. Toi, le Dieu juste. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Tu es celui qui aime la vérité et tu es celui qui rend à chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi nous t'élevons en ce moment, nous te glorifions. Toi, le Dieu juste, le Dieu véritable, le seul vrai Dieu, le Dieu souverainement élevé, le Dieu trois fois saint, le Dieu qui règne au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute domination. Nous t'élevons et nous te glorifions en ce moment, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à l'émission OSB, Opération sur la brèche. Le texte du jour, c'est Juges, chapitre 20, versets 1 à 18. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web www.radiofréquentevie.com. Nous venons de voir que nous ne devons pas tolérer les crimes dans notre société et nous devons chercher à dire la vérité. Nous ne devons pas couvrir le mal, le péché. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide réellement à développer l'esprit de justice et d'équité dans notre société d'aujourd'hui et que nous apprenions à dire la vérité, quoi que cela nous coûte et non le mensonge. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions. Toi qui es notre soutien, toi qui es notre appui, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, nous glorifions ton Saint-Nom ce matin. Nous prions au Père éternel, toi qui es le Dieu de justice, que ta justice se manifeste chaque jour en notre sein. Et nous prions aussi au Père éternel, afin que tu nous donnes la force d'exercer la justice, de pratiquer la justice, de dire ce qui est droit, parce que c'est ce que tu agrées, parce que c'est ce que tu apprécies. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous déclarons que toute dissimulation, tout mensonge, toute hypocrisie en notre sein est ôtée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur les œuvres des ténèbres. Nous prenons autorité sur toute forme de mensonge dans le nom puissant de Jésus-Christ. Crée en nous un cœur pur, ô Père éternel. Manifeste en nous un esprit bien disposé, comme tu l'as fait avec David. Nous prions, Père éternel, et nous demandons que ta grâce nous accompagne chaque jour, que tout ce que nous ferons, tout ce que nous dirons sera toujours conforme à ce qui est droit, sera toujours conforme à ce qui est juste dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, parce que tu nous équipes. Merci, Père éternel, parce que tu nous outilles chaque jour pour marcher dans ton droit chemin et pour montrer la voie à suivre, pour être un exemple en parole, par des actes que nous posons et en esprit également. Merci Père pour tout ce que tu fais dans nos vies. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous voyons comment le manque de justice peut être à la base même des guerres dans une nation. Une infamie a été commise par les habitants de Gibeah. Et lorsque les autres tribus sont venues demander à leurs frères les Benjamites de livrer les hommes pervers qui ont commis cet acte, ils n'ont pas voulu. Ils ont cherché à les couvrir. Et cela va entraîner la guerre civile. Prions l'Éternel afin que de tels comportements soient évités du milieu de nous, dans nos nations, afin que nous puissions chercher à ôter le mal au milieu de nous et que nous ne puissions pas couvrir le péché. Prions le Seigneur. Te dis merci ce matin, te rendre toute la gloire, l'honneur, la puissance. Comme nous le disons toujours, ta parole est une lumière sur notre chemin, une lampe sur nos pieds. Combien de fois nous posons des actes scandaleux, des infamies dans nos familles, dans nos pays, Seigneur, et ça crée des problèmes sur ton peuple. La main du diable s'oppose à tout ce matin. Nous voulons, par le sang de Jésus, éradiquer tous ces malheurs, toutes ces dominations d'autorité maléfique, toutes ces dominations qui agissent d'une manière négative sur le peuple de Dieu, sur nos familles, sur nos enfants, au nom de Jésus de Nazareth, sur nos familles, nos descendants, que ces choses soient chassées, annulé, parce que Jésus-Christ est venu pour déchirer l'ordonnance dont les actes nous condamnaient. Au nom de Jésus-Christ, nous annulons, nous déchirons, nous brisons, nous renversons, nous détruisons tous ces pouvoirs sur nos vies, afin que le règne de Christ soit maintenu sur nos vies, soit maintenu sur tout ce que nous faisons. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons consulter Dieu pour prendre des grandes décisions comme l'ont fait les enfants d'Israël. Ils ont consulté l'Éternel pour chercher à voir sa direction. Prie l'Éternel pour qu'il t'aide. Avant de prendre la direction, de choisir l'homme ou la femme avec qui tu vas te marier, de choisir quelle activité tu vas faire, des grandes décisions, des déménagements, les voyages, prie l'Éternel qu'il t'aide à le consulter toujours et non à prendre des décisions sans lui. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, nous te remercions, nous t'exaltons, car la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 6, Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par toi. Seigneur, tu es le chemin, et tout autre chemin que nous empruntons en dehors de toi, c'est les échecs, c'est les situations bizarres, c'est les blocages, c'est les ennuis. C'est pour cela ce matin, je prie que par la direction divine, que par ton esprit, nous soyons dirigés divinement pour le choix de notre conjoint, pour le choix de toute activité que nous voulons mener, pour le choix de tout ce que nous devons faire. Seigneur, merci de nous aider à nous accorder la vision, d'être focalisés sur toi. Certainement avec toi, nous aurons la bonne pensée, nous aurons le chemin, nous aurons la voie, nous aurons la piste qu'il faut pour que ce que nous allons entreprendre, il y ait du succès pour ce mariage et qu'il y ait de la joie dans ce foyer. Nous te demandons, Saint-Esprit, de nous inspirer, de nous aider, de nous conduire. Merci de le faire dans la vie de ma sœur. Merci de le faire dans la vie de mon frère. Cette sœur, certainement, compte sur toi, est dans un carrefour, est au milieu des situations bizarres et aide et cherche une orientation. Saint-Esprit, au son de ma voix, merci de lui dire encore une fois de te consulter, car tu es le Dieu qui nous aime et qui veut nous voir avancer. Bénis nos voies, bénis nos chemins et bénis nos activités, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. Faisons monter notre adoration.